Toujours à l'occasion de la journée de la libération de la Corée, Tintin, chef de l'Institut de Mothérapie de Myanmar, a exalté les exploits de la libération de la patrie du président Kim Il-sung dans son entretien publié le 11 courant.